désastre, un beau gâchis univers. S'il n'y avait qu'un seul astre, si j'étais la seule terre, suis-je le fruit du hasard ou de la nécessité? Suis-je si frêle au regard de cette immensité? Ces angoisses ont bon dos, la joie me terrasse, je n'ai pas de jumeaux. Je révolutionne dans le vide, c'est intersidérant et limpide. Depuis peu, le grand spécialiste se précipite tous à mon chevet pour me guérir, moi la nuit. Ils envoient des pilules dans le cosmos pour y trouver des petits hommes verts comme Aramis, Porthos ou Athos. Alors je suis l'unique mousquetaire. Ne serait-ce pas un délire, une fantasmagorie, si je m'occupais tout à coup de ce qui ne dépend pas de moi? Petit